d'accord. J'avais un capot. 1, 2, 3, 4. Non, je suis en vacances. Thank you. ouais, c'est bon. Deux, trois, quatre. Je monte, moi je monte ton volume chez moi, Mike. Moi je t'entends bien, mais je te monte un peu. Je crois que. Attends, je vais remettre un autre son de batterie parce que là. J'aime pas le son. Il pète les oreilles. Que la guitare. Attends. Je fais que la guitare pour voir le niveau. 2, 3, 4.